pas le combat. Tu peux critiquer, on sera toujours là. Toujours enfant pour écrire contre ces gens qui nous fatiguent. J'ai beau chercher de l'or, je ne trouve que rature sous ma mine. Chacun son sort, plus de magie, je vois que des tours. J'ai jamais mangé de caviar, mais je sais déjà que ça me dégoûte. Faut plus qu'on les écoute, mais entre nous c'est important, il faut s'entendre. Suivi par la foule car on n'a jamais fait semblant. Continuez de nous mentir, ensemble on va grandir, on va vous anéantir. Chaque jour faudra qu'on ose, et mieux vaut tard que jamais. Ton fils le pacifiste est devenu lanceur de pavés. Pour accomplir ses rêves, faudra faire des sacrifices, tout en restant soi-même sans paraître artifice. De fortes impressions et je vous parle pas de photocopie. J'aurais jamais eu de terrain si j'avais pas de monopoly. Pour pouvoir s'élever, ils nous baisent en sous-marin. En bas y'a rien qui va, mais on te dira que tout va bien. Ouais, je descends de chez moi, je vais taper mon VK. Maintenant j'ai un toit au-dessus de moi, donc ne t'en fais pas. De quoi les autres t'ont fait part. On a grandi en étant des amis, aujourd'hui on s'envoie des douilles au lieu des faire part. Cocaïne à réglisse, protège tes gosses si tu veux pas qu'ils glissent. Sur le terrain y'a la police, y'a pas qu'ils blissent. Dis pas aux minots qu'on enrage de l'or comme dans la Camorra. C'est mort, y'a plus rien à gratter dehors, y'a que des caméras. Pas de pot de vin ni de subvention, crois pas qu'on s'affait à la bien. Des politiques sous tension, des bacs que pétard à la main. J'peux pas payer ta rançon, c'est très bien que j'suis paradin. Mais j'ai que ta poussière sous le tapis, j'ai pas eu celui d'Aladin. J'me balade comme un paladin, dans un délire aérien. Si j'ai pas un cerf pas la main, j'suis dans un délire galérien. Anonymous, Casa des Papels pour la reprise du masque. J'tape que des pompes et du poulet, j'suis dans le délire prise de masse. J'te vois poser sur la touche, j'écoute ton rap, faut que tu cesses. J'sais pas combien tu touches, mais t'es meilleur à bicrave la cesse. Pas du genre à faire la sieste, personne m'assure, faut que je graille. J'espère avoir le fruit de mon travail avant mes funérailles. Et j'peux te dire que jusqu'ici ma vie c'était de la ferraille. Jour après jour, plus j'avance et plus je vois le train qui déraille. J'fais tout pour pas couper les ponts, j'vois plus la vie en HD. J'essaye de pas péter les plombs, de pas finir en HP. J'espère que tu feras pas le con, que tu te rappelleras que j'suis un bon quand j'serai à deux doigts de réussir et que l'album faudra l'acheter. J'fais tout pour pas couper les ponts, j'vois plus la vie en HD. J'essaye de pas péter les plombs, de pas finir en HP. J'espère que tu feras pas le con, que tu te rappelleras que j'suis un bon quand j'serai à deux doigts de réussir et que l'album faudra l'acheter.